Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 131. De l'ambition. Sa nature vicieuse. Son opposition à la magnanimité. 1. L'ambition est-elle un péché? L'apôtre dit, la charité n'est point ambitieuse, elle ne cherche point ses intérêts. 1 Corinthiens 13, 5. Le péché seul répugne à la charité, donc l'ambition est un péché. Notre excellence, à laquelle les hommes rendent témoignage par l'honneur, ne vient pas de nous, elle nous est donnée d'en haut pour l'utilité du prochain. À Dieu même en appartient principalement la gloire. Nous ne devons nous réjouir des honneurs que nous recevons que tant qu'ils nous sont un moyen d'être utiles dans la société. La recherche de l'honneur est déréglée de trois façons. D'abord, dès qu'on le désire pour une excellence que l'on n'a pas. Ensuite, quand on le veut pour soi-même, sans le rapporter à Dieu. Enfin, lorsqu'on ne se propose pas de s'en servir pour faire le bien. Il est évident que l'ambition, amour désordonné de l'honneur, est toujours un péché. Note. L'honneur est un bien, mais le désir du bien doit être réglé par la raison, sans quoi il est vicieux. L'homme vertueux tend avant tout à la béatitude, véritable récompense de la vertu. Renfermé dans de justes limites, l'amour de l'honneur excite à la pratique du bien et à la fuite du mal. Déréglé, il donne occasion à une multitude de péchés. L'homme qui n'aurait en vue que l'honneur en faisant le bien et en évitant le mal ne serait pas vraiment vertueux. Fin de la note. 2. L'ambition est-elle opposée à la magnanimité par excès? L'ambition est un désir déréglé de l'honneur, que la magnanimité recherche d'une manière conforme à la raison, elle est opposée à la magnanimité, comme l'excès à la règle. Note. L'ambition et la présomption sont également opposées à la magnanimité par excès. L'ambitieux veut les honneurs et les dignités d'une manière déréglée, le présomptueux veut des choses supérieures à ses facultés.